And my I love her. Second in my mind. Donne-moi ta main, oui, ni banana, ta mère et ton père, je te dirai je t'aime, Libala, Libala. Monsieur le maire, oui, j'ai le vœu, Nalingi. Faisons une prière, remercions le bon Dieu. Unis pour la vie, faut plus prendre la tête. Mais tonton nous invitait à l'aise dans la fête. Ma ouais, Libala, Libala. On revient de loin, personne ne sait ça, ouais. Seule ta mère pour soutien dans nos combats. Tu m'as changé, fait de moi l'homme que tu rêvais. Pour moi tu as tout affronté, bébé, c'est bien pour ça. C'est avec toi je vais vivre le meilleur ou la misère. Ta joie sera ma joie, ta souffrance sera ma souffrance. Le pacte ne peut être rompu depuis que je t'ai passé l'alliance. Personne pourra séparer notre union, ouais. Toi et moi c'est jusqu'à ce que nous mourons. Toi et moi c'est jusqu'à ce que nous mourons. Je me vois plus vraiment vivre. Si tu me quittes, chérie, n'aura bolingo. Ma quête reste ton bonheur, une perte. Si je gueule à cause de tes pleurs, maman. Donne-moi ta main, oui, Libala.